enfant t'as été victime de maltraitance. Pour ton père et ta mère t'as juste reçu une petite correction. Dis rien au prof, le foyer c'est pire. Les coups m'ont durci, pas de riposte ni de soupir. Y'a pas de sujet auquel j'ai songé qui est sans danger. Non y'a pas de couronne pour deux têtes, y'a pas de sous-chef mais des sbires. Frelon je crois que je dois me relever. Frelon je crois que la croix que tu vois c'est pas Dieu qui l'a fait. Mon égo me broie, je suis fauve et proie. Fou, lucide, chaud et froid. Coupe l'instru, les stars dépriment, nul n'est parfait. Nos vies inspirent les films avant l'inverse, c'est un fait. Ils veulent refaire le monde. Quel ennui. Leur pays leur appartient pas, mais il appartient à l'ONU. J'ai des ennemis, many men, many men. Comme Curtis, je rappe du fond du cœur, car la parole n'est que des décibels de ce que le cœur dit. Tu sors du jeu, moi du moi, tôt ou tard tu paies. Je leur en veux pas de mal, ma naïveté me dupe. Ils m'ont pas fait du mal, ils se sont fait du bien. Je veux ramasser sans me baisser. Papa visible, je suis complexé. Vexé, blessé. Pas un rappeur, je suis un plaignant immense. Je suis pas un pauvre, je suis un feignant nuance. Divertisseur qui vient casser l'ambiance. Pas qu'un coupable, nuance. T'es un incapable, nuance. Frôle à des rats à la tête et tu vantes le quartier des camps. Daron fait semblant d'être heureux dans ce triste décor. Tu connais pas ton père et tu me traites de bâtard. Même ta meuf ricane. No sir, I'm not a monkey, I'm African. J'suis pas un canard, j'suis un connard. J'suis pas une star même si on the ground qu'on arc. Scotché à l'écran, à ton domicile, merde ta misée. T'es pas cultivé, mais l'opotomisé. Non t'es pas coupable, tu fuis la misère, tu prends des coupables. Moral atomisé, de quoi tu me parles. J'm'en tape pas des bacs, j'ai tout misé. J'peux pas y rentrer, j'peux m'immiscer. Puis quand je batte, j'essaie de minimiser. Tu m'invites en fit, t'es très talentueux. Sors du studio, play. T'es un talentueux. Si j'offre un clic-clic à mon fils, il vivra jamais en paix. Mais si j'apprends à écrire à ma fille, elle civilisera tout mon peuple. Dieu est incroyable, le péché est funky. Non, je suis pas un croyant, je suis un convaincu. Je veux ramasser sans me baisser. Papa visible, je suis complexé. Vexé, blessé. Pas un rappeur, je suis un plaignant immense. Je suis pas un pauvre, je suis un feignant nuance. Divertisseur qui vient casser l'ambiance. Pas qu'un coupable, nuance. Un incapable, nuance. Je veux ramasser sans me baisser. Papa visible, je suis complexé. Blessé, je suis un plaignant. Je suis un feignant. J'affronte mes peurs en me baignant. Je suis crapaud mais j'ai des plaignants. Je suis un feignant. Je suis un plaignant.